19, 14, activation orale, l'heure. Vous voyez 6 horloges qui indiquent des heures différentes. Dites l'heure qu'il est à chacune de ces horloges. Utilisez le langage courant. Vérifiez vos réponses avec l'enregistrement. 1. 9h30. 2. 8h moins 1. 3. Midi. 4. 8h moins 10. 5. 6h. 6. 6h moins le quart.